Le meeting au niveau central de souvenir du général Kim Jong-il a eu lieu le 16 décembre en Venezuela, à l'occasion du 5e anniversaire de son décès. Dans la salle, ont été exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il. Y ont pris part les personnalités et les membres de diverses unités d'activité, comme le Parti de gauche uni et la Fondation Scree, ainsi que l'ambassadeur coréen et ses collaborateurs.